LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Ce que nous voyons d'ici, c'est tout d'abord un dégagement visuel jusqu'au château. On ne voit que le château, on ne voit absolument pas les dépendances. Le château est, de façon très cartésienne, rectangulaire, avec un fronton, avec un étage et des grandes ouvertures. Ces grandes ouvertures sont, et c'est un progrès technique de l'époque, avec des grands carreaux. Il y a un perron et la pelouse qui précède le château est ordonnée avec des statues en marbre de Carrare blanc qui regardent bien sûr le château, mise en scène bien sûr. Et avant, nous avons un miroir d'eau qui est très large, sur lequel nous voyons des poissons en train de zigzaguer, on voit des cygnes, etc. Et ce miroir d'eau, bien entendu, comme son nom l'indique, reflète le château dans ses eaux. Le mérite en héritage, un château à tout prix. Rémi Dibowski-Douat, Anne de Balchin. Tout commence par une phrase d'Émile Durkheim. Il écrit en substance « On est hérité plus qu'on hérite ». Après tout, si on était vraiment libre face à l'héritage, le fils du grand patron pourrait dilapider ses biens et liquider l'entreprise familiale. L'héritier d'une maison pourrait la casser à grands coups de massue et on ne prêterait pas attention à l'itinéraire d'une fille d'énarque qui déciderait d'élever des chèvres dans le Larzac. Ce que dit le sociologue, c'est que l'héritage produit des contraintes et que ces contraintes sont multifactorielles. Alors pour démarrer cette série, j'ai pris le problème par ce qui me paraissait le plus simple, la bonne vieille maison de famille. Alors ici, c'est plutôt un château. Nous sommes à Mésidon, dans le Calvados, et le château, sa pièce d'eau, ses fabuleux jardins fruitiers, Guillaume de Mézrac les connaît par cœur. Il y est né, il y a planté des arbres qui font aujourd'hui 30 mètres de haut, et comme ses frères et ses cousins, il conserve jalousement cet héritage multiséculaire, le château familial. Et dans la famille de Mézrac, voici Jean. J'ai du retard. Vous êtes Jean de Mézrac. Absolument. Rémi Dibowski-Douat. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? C'est difficile de concilier vie professionnelle et canon. Le château. Voilà, ça prend beaucoup de temps. Et puis là, je suis en retard parce que j'étais. Il fallait que je passe au bureau pour des urgences avant de venir vous voir. Vous êtes avocat ? Oui. Et vous consacrez une partie importante de votre temps ? Ben oui, un peu comme tous les membres de la famille. Et bien, on a tous des professions à droite et à gauche et comme on est attaché à la propriété, on y vient énormément. La seule chose qui me satisfait quand j'arrive, c'est de voir qu'à force de ces décennies de boulot familiaux, on a une propriété qui s'améliore d'année en année. Si je fais un retour en arrière il y a 30 ans, j'arrivais là, les pelouses étaient infectes, les grilles étaient déglinguées. Voilà, donc la satisfaction, c'est de se dire, tiens, ben, la propriété, elle s'améliore chaque année. En fait, c'est notre objectif, essayer de redonner à cette propriété l'éclat qu'elle devait avoir au XVIIIe siècle. Mais moi, j'ai vécu 25 ans ici. Dans ma jeunesse, ma première jeunesse, il y avait mes parents et mes quatre frères dans une partie du château, vraiment en camping presque, ma grand-mère dans l'autre partie et notre tante Toinette qui vivait avec ma grand-mère, qui à l'époque n'était pas mariée. Vous nous montrez ? Si vous voulez, on va rentrer dans le château. Alors où est-ce qu'on est ici, Marguerite de Mézrac ? Alors ici, on se trouve dans la cour d'honneur de Canon. Alors on est côté nord, donc en face de la, des communs qui étaient consacrés à la fête des bonnes gens au XVIIIe siècle. Et on aperçoit là-bas la façade du château qui est vraiment centrale. Et comme vous pouvez le voir, c'est une cour d'honneur qui est encore tout à fait, on est fin XVIIIe, mais tout à fait traitée à la française, très régulière. Donc si vous voulez, on peut s'approcher un petit peu que je vous montre. On rentre, j'ai la clé. Ce château, il est habité ? Alors non, il n'est plus habité. Les communs le sont toujours. Et actuellement, on est en attente. Ce serait idéal que la famille puisse à nouveau loger à l'étage. Et en effet, il faut réinventer un nouveau système puisque ce n'est plus à une personne, un couple, une famille. C'est maintenant plusieurs membres d'une société familiale. Et si on pouvait faire en sorte que le château joue toujours son rôle aussi d'accueil familial, parce qu'on se préoccupe beaucoup du tourisme, des visiteurs, mais l'édifice familial, il compte. Et pour continuer d'impliquer les générations d'après, il faut aussi qu'ils puissent tout simplement pouvoir venir ici, loger et faire aimer le lieu aux enfants, etc. Alors là, on est tout de suite accueilli par un portrait qui est vraiment émouvant. Il représente justement l'avocat, donc Jean-Baptiste Élie de Beaumont au centre, qui tient par l'épaule son fils Armand. Jean-Baptiste Élie de Beaumont est présent partout. Un buste de marbre ici, un portrait là. Mais surtout, il est dans tous les esprits. C'est l'ancêtre adoré. On en parle avec tendresse. Il y a un beau jeu de regard. C'est lui qui a entrepris ici, entre 1768 et 1786, des travaux colossaux. Il était avocat, et dans une forme de mimétisme transgénérationnel, il a engendré une lignée de juristes. Le petit dernier vient tout juste de prêter serment lui aussi. De Madame Élie de Beaumont semble à son tour regarder son mari. Voilà. Donc là, on a sur ce tableau peut-être une grande partie de tout ce qui est inclus dans la notion de transmission et d'héritage. On a une morte, ouais. La génération au pouvoir, j'allais dire, et puis la génération à venir. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est à la fois émouvant et ça en dit long. Et d'ailleurs, très vite, le jeune Armand a dû faire des choix. À plusieurs reprises, il a hésité à garder Canon ou non, parce que c'était quand même du coup une charge. Et puis finalement, il va à son tour transmettre Canon à ses deux fils. Donc d'ailleurs, qui sont en buste aussi ici. Alors, soit je vous emmène là, soit je vous emmène là. Ce qui frappe ici, c'est la fidélité des nouvelles générations à ce qui fut souhaité par les aïeux. Ainsi, la transmission de l'édifice et de son parc de génération en génération depuis la Révolution se révèle comme une chronique singulière de l'héritage. Mais le tout début de cette histoire, c'est l'historienne Martha Peguera-Poc qui la raconte. Le droit français actuel, que nous connaissons, est le résultat d'influences diverses. D'une part, le droit romain, qui est à la racine de tous les droits européens, mais également ce qu'on appelle le droit coutumier, c'est-à-dire un droit qui est plutôt d'origine, disons, germanique, qui est un droit qui a rencontré le droit romain à un certain moment, qui en a subi en partie l'influence, mais qui a aussi sa propre logique, une logique qui compte sur la durée, sur le temps. Donc, le droit coutumier a comme caractéristique le fait qu'on ne choisit pas ses héritiers. L'adage, c'est que Dieu seul fait les héritiers. Il y a une notion de transmission des choses dans la famille, surtout les biens qui sont importants sont les biens immeubles, la terre, ce qui peut aider à s'établir. Et on les transmet par ce qu'on appelle techniquement la dévolution légale, c'est-à-dire que la part de la volonté, elle est très peu présente. Contrairement au droit romain qui fait la part belle au testament, c'est-à-dire à l'expression de la volonté, où on désigne un héritier et on dit et on lui transmet ses biens ou une partie de ses biens. Mais quoi qu'il en soit, la règle générale et l'esprit coutumier est un esprit très égalitaire. Après, la période moderne, il y a un élément clé à la période moderne qui est le XVIe siècle, où le roi de France demande à ce que ces coutumes qui étaient orales soient mises par écrit. ce qui suppose à la fois une clarté de la coutume, c'est en tout cas le motif officiel qui est invoqué. Les coutumes, comme elles sont orales, on ne sait pas très bien ce qu'elles disent, cela rallonge les procès, etc. Donc il faut les écrire, mais en les écrivant, on les fige, donc on lui fait perdre sa souplesse. Alors elles sont mieux connues parce qu'écrites, mais elles deviennent finalement une norme qui tire sa force de l'autorisation royale, même si le contenu, lui, est coutumier. Pour bien comprendre ce qui se passe à la Révolution, au moment de la Révolution française, il faut remonter un tout petit peu en amont pour voir ce qu'était l'héritage avant la Révolution française, donc dans la société d'Ancien Régime. Mélanie Plouvier, philosophe. En fait, il n'y avait pas un droit successoral unifié, mais de multiples pratiques de transmission successorale très diversifiées sur le territoire français. Il y avait des régions où il y avait des pratiques de transmission égalitaire. L'aîné et le cadet avaient la même chose. La Bretagne. Voilà. Il y avait d'autres régions où il y avait une forte prégnance du droit de primogéniture, c'est-à-dire du fait de transmettre les biens à l'aîné mâle de la famille. La première chose que va faire la Révolution française, c'est qu'elle va unifier, rationaliser ces différentes pratiques en les régissant sous un droit unique. Et d'ailleurs, les débats qui ont conduit à l'abolition du droit de primogéniture parmi les révolutionnaires retracent ces tensions entre les différentes régions. Alors, le principal acte en matière successorale accompli par les révolutionnaires et repris ensuite dans le code Napoléon de 1804, c'est l'abolition du droit de primogéniture. Ce que les révolutionnaires mettent en place, c'est un partage égal entre non seulement l'aîné et les cadets, mais également entre les frères et les sœurs. Alors, quelle était l'idée des révolutionnaires ? Incontestablement, de réduire l'inégalité au sein des familles. Il y avait une inégalité à ce que l'aîné mâle hérite de la totalité du patrimoine au détriment des autres membres de la fratrie. Mais aux yeux des révolutionnaires, en instaurant le partage égal, il s'agissait de faire plus que simplement instaurer une plus juste répartition au sein de la famille. Les révolutionnaires étaient convaincus qu'avec cette abolition du droit de primogéniture, on irait vers davantage de justice sociale. Leur idée était qu'en répartissant au sein de la famille, on distribuerait les biens entre tous les membres de la famille. Par là même, les propriétés seraient moins concentrées. On irait vers un morcellement de la propriété qui constituerait une marche vers l'égalité. Les révolutionnaires ont souhaité faire un code civil, ils n'y ont pas réussi parce que au moment où on a commencé à discuter, chacun a défendu sa propre coutume et donc les divergences curieusement ont ressurgi. Mais le code civil n'est pas une table rase. Napoléon était pragmatique et le code civil puise dans la pratique à la fois du droit coutumier, du droit romain, du droit révolutionnaire. Il est préparé par des juristes extrêmement expérimentés à la fois dans l'ancien droit et dans le droit révolutionnaire. Donc le code civil, maillon incontournable, si on peut dire, de cette histoire, puisqu'il unifie, donc c'est fini la diversité coutumière, et il tranche aussi, il fait des choix. Ce château est dans la famille depuis plus de deux siècles. Oui. À la suite d'Élie de Beaumont déjà, Canon aurait pu être vendu, puisque il avait quand même entrepris des grands travaux. Lui était avocat, gagnait sûrement très bien sa vie, mais il n'avait pas de fortune. Donc s'est posé la question même de la vente. Et puis finalement, c'est la femme d'Armand, Éléonore, qui l'a convaincu de garder Canon. Donc ils ont transmis à leurs deux fils. Et comme un est décédé plus jeune, il n'y avait qu'un petit-fils. Donc ça a été assez simple au final. Et ce petit-fils s'appelait Félix. Or lui, il a épousé une femme qui s'appelait Marguerite Holker, dont la famille avait beaucoup de biens, même quelques terres aux États-Unis, pour vous dire. Et donc au départ, ils avaient été mariés en communauté de biens. Là, on est en quelle année ? Alors là, on est dans les années 1830. Voilà. Et Félix, en fin de compte, Canon était quand même très lourd d'entretien. Il a fini par arrêter son travail pour pouvoir mieux se consacrer au domaine, qui s'est avéré être un gouffre. Et sa femme est tombée malade, gravement malade. Donc on savait qu'elle était condamnée. Elle a été envoyée donc à Madère, les soins étaient coûteux, et la belle famille, en fait, a voulu récupérer la dot. Ils se sont dit, notre fille va mourir, tout l'argent va être englouti dans Canon. Donc, ils ont enjoint leur fille à intenter une sorte de procès contre son époux pour recréer une séparation de biens. Ce qui a été fait, il a dû vendre Canon pour réussir à payer cette dette. Donc là, le château sort de la famille. Voilà, pendant en fait une période finalement qui va être très brève. Et c'est donc en fin de compte Gaston, donc l'arrière-grand-père de mon mari, qui va réussir à racheter 15 ans plus tard. Et donc en 1904, la famille se réinstalle ici à Canon, du vivant de Félix, qui a la joie de voir finalement le domaine revenir dans sa famille. Et on a gardé là des courriers vraiment touchants de Germaine Élie de Beaumont, donc la grand-mère cette fois de mon mari, qui raconte le premier Noël à Canon en 1905 où tout le village a été invité. Alors, cher Pépé, je regrette bien que vous n'ayez pas été ici le 15 décembre pour voir la belle armée d'enfants venant à l'arbre de Noël. Quand ils sont entrés par la grille, grand-père Paris, c'était le grand-père qui habitait Paris, a été au devant d'eux et les a photographiés avec la plupart de leurs mères sur les marches du perron. Quand la distribution des jouets était terminée, quel fut leur étonnement ? Ce n'était pas fini. Papa a pris pour eux un soin paternel, il les a tous appelés à lui et il a fait la distribution de brioches et d'oranges. Le droit coutumier fait une distinction à l'intérieur du patrimoine selon la nature des biens. Les biens qui viennent de familles, qui sont des biens immeubles, par exemple une maison ou une terre, sont considérés des biens qu'on appelle propres, donc des biens sur lesquels la famille au sens large a un droit, si on peut dire, qui se caractérise par exemple par une institution qui est le retrait lignager, c'est-à-dire que si vous avez une terre qui vous vient de votre grand-père, par exemple, que vous la vendez, quelqu'un du lignage, c'est-à-dire de la famille élargie, peut aller voir l'acquéreur et lui rembourser le prix de la vente et récupérer le bien, parce qu'on considère que ce bien doit rester dans la famille. Le fait qu'il soit dans la famille depuis une génération, fait que la personne qui le reçoit par succession, c'est comme si je devenais l'administrateur d'un bien qui, au fond, me dépasse un peu. J'ai à le gérer et à le transmettre. Cette idée de propriété familiale dit peut-être qu'on n'oublie pas que les choses nous ont été données et qu'on a une responsabilité vis-à-vis des générations précédentes et puis vis-à-vis des générations futures. Alors Je suis Michel de Mézrach, l'un des 6 représentants de la branche Mézrach qu'on appelle la branche blonde. Nous sommes 6 frères et sœurs, 3 garçons, 3 filles, par opposition à la branche brune représentée par 4 de mes cousins. Nous sommes nous-mêmes nés dans la ferme du Nord, l'un des communs, une des cours, nos cousins étant eux, à l'époque de notre enfance et de notre jeunesse, nés dans l'aile nord du château. Et votre père est né ici également ? Alors lui est né complètement ici, si je puis dire complètement, c'est-à-dire physiquement, en 1923, il est né dans les communs du Nord. Et alors lui également a vécu toute son enfance et une bonne partie de sa jeunesse ici. Il a entamé ensuite, juste avant la guerre, des études de droit à l'université de Caen, qu'il a interrompu au moment de l'arrivée des Allemands, qui ont occupé le château pendant 4 ans. Et après la guerre, alors il avait donc renoncé à ses études de droit en cours de route. Il s'est, entre guillemets, sacrifié pour Canon, puisque après 4 ans d'occupation, il y avait quand même quelques travaux d'aménagement, quelques restaurations. Le parc avait quand même été un peu esquinté, notamment par les chars d'assaut. Les grilles étaient par terre, les piliers étaient couchés, etc. Et donc papa a renoncé à reprendre ses études de droit pour se consacrer à tous ces travaux de restauration avec les moyens du bord. Et en parallèle, il s'est lancé dans la reprise de l'exploitation agricole, dans l'élevage de bovins, de moutons et chevaux. Et ça, c'est son premier renoncement pour Canon. Et le second, c'est qu'une fois exploitant agricole, il a sans doute davantage consacré de temps et peut-être de passion à la sauvegarde de Canon, de son parc, de ses jardins, etc., plutôt qu'à son activité d'éleveur qu'il aurait pu développer, il aurait pu construire des bâtiments, etc. Il y a renoncé pour se consacrer davantage à la sauvegarde de Canon et à la transmission à ses enfants et neveux, bien sûr. Donc il s'agit d'un devoir, le devoir d'entretien et de transmission aux générations qui suivent. Exactement. Alors, effectivement, la propriété étant dans la même famille, donc Élie Beaumont jusqu'à ma grand-mère qui était la dernière née Élie Beaumont, qui a épousé un certain Jean de Mézrach, donc dans la même famille depuis l'origine, jusqu'à ma génération, on est tous nés ici, donc nous 6 et mes 5 cousins. On l'a dans les tripes sans que nos parents ni tantes aient eu besoin de nous sensibiliser véritablement, ça s'est fait tout seul. On a tous usé nos fonds de culotte sur les troncs d'arbres éventuellement couchés dans le parc après les tempêtes. On a tous appris à faire du vélo dans les années du parc. On a tous eu nos premières ampoules aux mains en ratissant les allées, en élaguant, en taillant les bordures, en curant la pièce d'eau ou les cours d'eau. Donc on n'a pas tellement de mérite d'y consacrer autant de temps aujourd'hui les uns et les autres. Et on considère que c'est un devoir, mais qui ne nous a pas coûté, même si année après année, c'est quand même un gros sacrifice, ne serait-ce qu'en termes d'heures passées sur place ou en administratif à distance, des heures que nous ne consacrons évidemment pas à nos familles propres ou à nos activités professionnelles. Est-ce que tu peux mettre du ruban de chantier ? Tout le long ? Tout le long, pour oui. Qu'ils comprennent qu'il ne faut pas aller en voiture d'accord. sur les longeries. Bon, bah, d'accord avec ça. Moi ? Oui, tout à fait. Merci. Et il faut que je te voie ? Oui. Pour la médaille, il faut que je te voie quelques instants ou je t'appelle ce soir chez toi ? Oui. Parce que notre jardinier, Christophe, on lui remet la médaille du travail. Et il la mérite bien puisqu'il a plus de 30 ans d'ancienneté de jardinier ici. Et moi, j'ai connu ici, c'était la cuisine de ma grand-mère et de ma tante Toinette. Et ici, il y avait un vieux four, un espèce de fourneau à bois qui marchait aussi avec du charbon. Je me souviens d'un gars qui venait livrer le charbon sur le dos une fois par tous les 15 jours, qui stockait là. Et là, il y avait une employée qui, toute la journée, faisait tourner le fourneau et puis qui faisait un peu de popote et qui lui préparait les repas. Et à partir de quel âge vous prenez conscience que ce dont vous allez hériter, ce château, est un plaisir, vous le décrivez, mais est aussi une charge ? Assez rapidement, malheureusement assez rapidement. Je pense que dès l'adolescence, vous entendez tout le temps parler la génération parentale des emmerdements de gestion et du poids de canon. Vous voyez les bassines d'eau que vous allez mettre vous-même sur les fuites dans la toiture dès qu'il y a une pluie. Ça, j'ai vraiment connu et ça m'a quand même pas traumatisé, mais ça m'a frappé parce que ici la toiture était vraiment fuyarde. Donc dès qu'il y avait des grands abats d'eau, il fallait courir partout chercher des bassines. Ah ben va mettre une bassine dans le petit salon. Attention, va en haut du toit, truc dans le grenier, etc. Donc on pense pas au poids futur. Mais on vit déjà le poids des emmerdements, d'autant plus que la propriété ici, il n'y a jamais eu de fortune. Bon. Donc on sentait que tout était géré par les moyens du bord. Et puis ensuite, vers les, je sais pas, après vous devenez étudiant, je dirais vers 18, 19, 20 ans. Là, comme vous êtes physiquement et psychiquement, c'est presque, je dirais presque psychiatriquement attaché au domaine, là, on va se dire, où est-ce qu'on va, quoi ? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on prenne des décisions pour générer un revenu à cette propriété que l'on voit soit stagner, soit décliner par manque de moyens ? Et c'est la décision que nous prendrons. Nous avons décidé d'ouvrir au public pour générer un revenu. Et ce qui est assez sympathique, et je suis assez admiratif, moi, je me souviens très bien de mon père avec dans sa voiture, quand il bossait, avec des affiches, avec des dépliants. Il allait mettre des dépliants, des affiches dans les hôtels. Donc, ils ont vraiment joué le jeu. Ma tante Toinette s'est donnée à fond. Elle a accéléré considérablement ses méthodes concernant les jardins, puisque c'est elle, sa passion, c'était les fleurs. Donc, l'initiative, c'est notre génération, mais celle d'avant, bousculée par la nôtre, a joué le jeu. Juste pour avoir mes niveaux pour le poste. Oui. Ou alors je fais un véritable relevé topographique de toute la propriété. Et si vous avez d'autres projets d'aménagement d'autres bâtiments ailleurs ou des choses comme ça. Peut-être que vous pourrez nous faire les deux en option, qu'on ait le devis pour chaque. Donc dans ces cas-là, il faudra que vous me dessiniez justement sur le plan qu'on a vu ensemble, la zone que vous voudriez qu'on relève. Oui, très bien. Comme ça, moi, à partir de là, je pourrais vous faire le devis. Ça marche. On va prendre en compte. Bon, bah, j'attends votre plan. Oui, je vous fais ça. Ça marche. Entendu, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Contrairement à beaucoup de propriétés, il y a beaucoup de châteaux privés qui, quelquefois avec pourtant des fortunes et pas des soucis financiers comme nous avons, qui sont vendus à la grande surprise de tout le monde, tout simplement parce qu'il y a des générations, quelquefois des gens âgés, qui n'ont jamais associé suffisamment tôt leurs enfants à la gestion et aux perspectives d'avenir. Donc tout d'un coup, vous avez des gens qui a 40, 50 ans, alors qu'ils ont déjà organisé leur vie, familiale, personnelle, professionnelle, se trouvent hérités d'un énorme domaine, et c'est ceux-là qui vendent, parce qu'ils n'ont pas été préparés, ni psychologiquement, ni matériellement, ni voilà. Donc nous, on veut éviter ça, et de toute façon, par la force des choses, on l'évite, puisque tout le monde bosse ici. Moi, si je remonte à très longtemps, je vais vous dire une anecdote, mais c'est vrai. Je pense que je m'en souviens encore. Un de mes premiers cadeaux d'anniversaire, quand j'avais 4 ou 5 ans, c'était une petite brouette, toute petite brouette, pour aller aider mes grands frères à mettre des cailloux dans la grande avenue. C'était ça la mentalité. Donc nous, on a été imprégnés, vous savez, comme les oiseaux. Donc on met énormément la main dans le cambouis. Ça vous génère un attachement viscéral. Mélanie Plouvier, philosophe. Ce que donnent à voir les membres de cette famille, c'est que finalement, le château assure l'ossature de la famille. C'est le socle matériel qui permet d'ancrer la famille dans le temps, dans l'histoire, de lui assurer sa continuité. Et à cet égard, ce que semblent exprimer les membres de la famille, c'est qu'ils sont tenus par ce patrimoine autant qu'ils le détiennent. Et je trouve que cette idée est extrêmement intéressante d'un point de vue philosophique, parce qu'elle nous permet d'interroger tout de même la primauté entre droit de propriété familiale et droit de propriété individuelle. Au XIXe siècle, des théoriciens se sont posé la question. Qu'est-ce qui fonde le droit de transmettre ? Est-ce que c'est le droit du seul propriétaire individuel sur son bien, dont il pourrait faire ce qu'il veut à la fin de sa vie ? Ou est-ce que le droit de transmettre se fonde dans un droit plus collectif, le droit de la famille ? Et un des auteurs qui a donné, à mon sens, la formulation la plus féconde de cette question, en bouleversant les termes, c'est Émile Durkheim. C'est l'inventeur de la sociologie française. Il écrit au tournant du 19e et du 20e siècle. Et alors, ce sont des aspects très peu connus de son œuvre. Émile Durkheim était abolitionniste en matière d'héritage. Il voulait abolir l'héritage familial. Plus exactement, il voulait transférer l'héritage familial au groupement professionnel. Mais il le fait en s'appuyant sur ses conclusions sociologiques. Plus exactement, il retrace l'histoire de la famille depuis ses formes les plus anciennes. Et c'est sur cette histoire qu'il va fonder sa proposition. Or, que montre cette histoire au temps très long de la famille selon Durkheim ? C'est que les formes premières de famille étaient des familles extrêmement étendues. Alors, on parle de sociétés claniques qui comprenaient au sein de la famille plusieurs centaines de membres. Mais ce qui est tout particulièrement intéressant dans les descriptions ethnographiques sur lesquelles Durkheim s'appuie, c'est que au sein de cette famille clanique, la propriété est collective. C'est-à-dire que c'est le clan qui possède et non pas l'individu. Mais là où c'est encore plus intéressant, c'est que ce que montre Durkheim, c'est que dans de telles sociétés claniques, c'est le fait de posséder des choses en commun qui fait la famille. Le socle de la famille, ce ne sont pas d'abord des affects, ce sont des choses possédées en commun, c'est le patrimoine. Au point que, dans ces familles claniques, l'individu pouvait sortir de la famille. Il était possible de sortir, de ne plus être membre de la famille. Par contre, les choses ne pouvaient pas sortir de la famille. Donc, on ne transmet pas seulement un bien, on transmet aussi une manière d'envisager ce bien. Alors, pour ici Canon, on transmet un bien avec la mission de poursuivre les travaux non seulement d'entretien, mais également de restauration. Ça, c'est vraiment une obligation pour les générations futures. Il n'est pas question qu'ici, on ait des jeunes générations qui se roulent les pouces et qui, par exemple, si un jour ils gagnent un prix ou s'ils sont riches, s'offrent une piscine pour aller passer des après-midi sur un transat. Mais c'est même pas dans la structure mentale. Donc, le premier sou disponible des recettes du domaine, ça doit être investi immédiatement dans l'entretien et l'amélioration. C'est certain qu'ils héritent d'un devoir. Alors ça, c'est incontestable. C'est la raison pour laquelle il pourra y avoir, très certainement, dans les générations futures, certains qui diront non, moi, ça m'intéresse pas du tout. Alors après, ceux-là, je respecte tout à fait leur positionnement, mais il ne faut pas qu'ils disent « Ah oui, mais ça a peut-être de la valeur, il faut me donner ma part. » Ça, c'est mal vu dans la famille. Donc, soit vous ne voulez pas décorver, et on peut respecter, vous sortez de l'équipe, soit vous y restez, mais ne sortez pas en plus en disant « Parce que je sors, vous devez m'indemniser. » Ça, c'est très mal vu. Ça, c'est déjà vu ? Oui, ça s'est déjà vu à certaines générations. Je crois qu'il y avait eu... dans la génération de ma grand-mère, sa sœur, avec qui elle s'entendait bien, pourtant, je crois que c'était Gaston Edith Beaumont, avait essayé de prévoir quelque chose d'à peu près bien. Et je crois que Simone, ça lui a pas plu, et elle avait dit « Non, non, moi, je voudrais quand même ma part, je reste pas à Canon, mais je veux être truc. » Et ça, celle que je sors, donc c'est celle adressée à Germaine. Confidentiel. Mes chers enfants bien-aimés, c'est pour moi une tâche bien délicate d'exprimer mes dernières volontés de façon à ménager les intérêts et les droits de chacun, à éviter les susceptibilités et les conflits et à tenter de rétablir un équilibre entre vous deux, mes chères filles. Voilà, la raison de cette position dont Germaine a été l'objet venait de notre désir de l'avantager afin de l'aider à supporter les charges du château. Qui, dans notre pensée, devait lui revenir après notre mort. Ceci a été accepté par Simone, qui n'a jamais élevé la moindre récrimination contre cette grosse différence de traitement. De mémoire, on avait vendu, ils avaient vendu deux tableaux, c'était un des rares trucs qui devait avoir de la valeur, de Drouet, pour donner un peu de sous à Simone et quelle est sa part. Donc Gaston a privilégié l'une de ses filles dont il pensait qu'elle serait davantage en mesure d'assurer la continuité du château de Canon dans la famille. Et Simone, à laquelle vous faites allusion, la plus jeune, elle a été compensée avec le produit de la vente de ces deux tableaux. Voilà, c'est ça ? C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. L'histoire économique du XIXe siècle est un démenti par les faits à la conviction ou l'espoir qu'avaient les révolutionnaires qu'il suffirait de morceler la propriété pour que l'on parvienne à une société plus juste. Une société de petits propriétaires n'est pas forcément une société plus juste. Le XIXe siècle a été un siècle de très forte concentration patrimoniale. Un chiffre pour l'illustrer. Tout au long du XIXe siècle, c'est Thomas Piketty qui l'a établi, hein, les 10% les plus riches détenaient 80 à 90% du patrimoine total. Et les 1% les plus riches détenaient jusqu'à 60% du patrimoine total. Donc on était, les mesures révolutionnaires en matière successorale ont été totalement insuffisantes. Elles n'ont pas pu freiner ce mouvement de concentration du patrimoine. En d'autres termes, le simple partage égalitaire au sein des familles ne suffit pas à régler la question de la distribution entre les familles. Et c'est là qu'intervient l'autre borne chronologique du XIXe siècle, 1901. En 1901, à la suite de débats houleux à l'Assemblée nationale, est adopté le principe de la progressivité de l'imposition successorale. Ça veut dire que le taux d'imposition varie en fonction du montant transmis. Et cela permet de jouer sur la question de la distribution des biens, des richesses entre les familles par un mécanisme redistributif. Alors, il n'en reste pas moins que le taux d'imposition en 1901 était encore relativement faible, autour de 5%. Mais c'est cet outil-là qui a été pleinement exploité dans les politiques publiques à partir de l'entre-deux-guerres, avec des taux pouvant aller jusqu'à 30-40% pour les plus grosses transmissions successorales, et qui a permis, dans la société de l'entre-deux-guerres et jusque dans les années 1970, de sortir de cette logique de reproduction par la transmission patrimoniale, d'être dans une société dans laquelle mieux valait travailler que hériter. C'est pas glissant et c'est solide. Ils peuvent monter sans danger jusque là-haut. Ah, c'est assez génial. Alors, vous voyez, une toiture très particulière. Ça n'a pas été facile de trouver, quand on a décidé de la restaurer intégralement, enfin de la refaire à neuf, de trouver une entreprise compétente pour faire le travail. C'est le ramassage des pommes. D'ici, on aperçoit à peu près la totalité des hectares de la ferme. Donc vous voyez, c'est très restreint malheureusement. Ça monte jusqu'au bois ici, sous les maisons là-bas. Là, qui prolonge le petit verger ici. Et puis là, vous avez les deux herbages. Donc il y a une petite quarantaine d'hectares d'herbage en tout et pour tout. On est forcément ému dès qu'on parle de tout ce qui a été réalisé, entrepris à l'époque par Élie de Beaumont. Et que de génération en génération, malgré tous les aléas, Malgré la Révolution, malgré la Seconde Guerre mondiale, etc., on est encore là aujourd'hui et c'est toujours le même sang qui coule dans nos veines et dans celui de nos enfants. Et prions le ciel pour que ça perdure aussi longtemps que possible dans les générations qui nous suivent. Ce qui pourrait arriver de pire, c'est qu'il y ait une génération qui s'entre-déchire, et c'est ce qui vaut d'ailleurs à beaucoup de propriétés en France, notamment au moment des successions, de quitter la famille. C'est par des facteurs de mésentente et de personnalités trop différentes les unes des autres. C'est ce qu'on pourrait craindre, mais aujourd'hui, on est tous sereins, tout le monde s'entend bien, et on tire tous le wagon absolument dans la même direction. Est-ce que c'est déjà passé par la tête d'un des membres de la famille qu'on puisse vendre ce château ? Sur un ton ironique, ça peut arriver, notamment quand on voit passer soit des annonces de châteaux voisins qui sont en vente à des prix plus ou moins invraisemblables. Mais ça n'a jamais été qu'ironique. Personne sérieusement n'a jamais lancé le sujet sur le tapis. Ce serait vraiment un sujet tabou. Et ce serait très très mal perçu par la plupart d'entre nous. Est-ce que ça vaut un euro symbolique ou est-ce que ça vaut 2 ou 3 millions ? On est bien incapables les uns les autres de se prononcer là-dessus. C'est très particulier comme pièce. Mais ça ne vous intéresse pas de savoir combien ça vaut ? Non, non. Non, absolument pas, non. Alors, donc en fait, ça a beaucoup changé parce que depuis, donc, moi j'ai connu l'époque, avec mon frère Guillaume aussi, j'ai connu l'époque où ça vivait. Là on est dans le secteur de ma grand-mère et on avait nos chambres là-haut. Moi j'ai gambadé là, j'ai joué aux billes, je courais avec les petits chats, j'ai plein de souvenirs dans ce couloir, mais il faisait froid. Le lit était retiré. Mais c'était ma chambre, l'armoire était là et mon lit était là. Moi, tous les matins, l'hiver, les hivers froids, je m'en souviens très bien, je mettais un verre d'eau sur ma table de nuit, il y avait une pellicule de glace dessus. Mais on avait des énormes édredons. Il y avait un ami de mes parents, très drôle, qui est mort il y a 2 ans, un monsieur qui avait 85 ans. Et de temps en temps, il y avait des dîners donnés par mes parents. Alors, il faisait chauffer un poêle à bois terrible. Et il a marqué l'histoire de Canon, cet ami, parce qu'il rentrait et il disait à tous les amis, « Refermez vite la porte du vestibule, vous allez refroidir le parc. » C'est vous dire que Canon avait la réputation où on se caillait terrible. Ça, c'était la chambre de ma grand-mère. Et alors là, on vient de l'aménager cette année pour faire l'escape game, voilà. Donc, c'est tout récent. Mais moi, j'ai connu ma grand-mère, son lit était là. Et moi, ma chambre était juste à côté, de l'autre côté. Et puis, ça, c'était son cabinet de toilette. Et il n'y avait pas de douche, rien. Et elle allait chercher l'eau, je l'entendais, le matin, elle allait chercher de l'eau froide avec un broc à l'autre bout du couloir où il y a un petit robinet. Et elle se nettoyait encore, vous savez, dans les bacs, on était debout, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, c'était quand même extrêmement spartiate. Alors, quand on est de la famille de Mézrach, tout ça peut sembler nécessaire, une forme de destin, finalement, que d'avoir ce château et d'y apporter de l'énergie, de l'argent, de l'investissement. Mais pour les personnes qui se marient avec un de Mézrach, ça doit faire bizarre, quand même, d'arriver dans cet inconfort et dans cette dévotion, finalement, pour une bâtisse. Pièces rapportées, oui, c'est un sacerdoce. Mais je pense que c'est tellement évident et connu que les membres de la famille sont passionnés par Canon qu'avant de décider d'épouser un membre de la famille, vous avez réfléchi. Vous savez que vous mettez le pied dans la vase et que vous allez y rester. Donc, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise, si je veux dire. Et pour vous donner des anecdotes, moi, toutes mes belles-sœurs, lors du mariage... le soir du dîner, je donnais toujours une binette comme cadeau et tout le monde se marrait parce que tout le monde comprenait. Bienvenue à Canon et le cadeau, c'était une binette pour gratter les allées. Mais jamais aucune des pièces rapportées dans mes frères cousins n'a éloigné son conjoint de la passion de Canon. Ça, j'en ai fort heureusement aucune expérience, pourvu que ça dure. Combien il faudrait pour refaire ce château comme vous l'entendez ? Pour lui redonner vraiment la figure qu'il pouvait avoir au XVIIIe siècle, si on refait les toitures, tous les murs d'enceinte, plus l'intérieur du château, rien n'est aux normes, je pense qu'on est certainement au-delà de 10 millions d'euros. Ouais, je pense, certainement. Faire un chauffage, c'est déjà 100-150 000 euros. refaire toutes les maçonneries, toute l'électricité, mettre une ou deux salles de bain et refaire les boiseries et les peintures des salons, etc. Déjà, rien que dans le château, on est certainement au-dessus de 800 000 euros, uniquement pour l'intérieur du château. Et puis ensuite, on a 1 hectare de toiture à cause des dépendances qui sont immenses. Donc quand je vous dis 10 millions, je suis peut-être même modeste. À l'heure actuelle, on arrive à générer à peu près 320 000 euros de chiffre d'affaires grâce aux réceptions, aux visiteurs qu'on accueille, aux scolaires, à la boutique. Et donc, c'est pratiquement entièrement dépensé sur l'année, l'exercice, avec les salaires des jardiniers, de l'équipe, les opérations de promotion et puis des tranches de travaux d'entretien. En fait, c'est pas suffisant. Il faut vraiment que dans la décennie à venir, on arrive à ce que le modèle soit plus rentable encore pour pas que ces travaux-là attendent trop longtemps. Jean-Baptiste Elie de Beaumont, qui est mort ruiné, disait « Canon, effectivement, est un cancer qui me ronge ». Moi, je le reprends un peu aussi, parce que ça nous préoccupe en permanence, ça m'obsède en permanence. Mais je recherche toujours la bonne thérapie. Alors, pour garantir la pérennité de l'aspect familial de la propriété, nous avions décidé en 1999, il y a encore la génération précédente qui était vivante, de passer de leur indivision à eux à un régime de société civile immobilière familiale. Alors l'intérêt, c'est simplement, c'était justement pour anticiper sur les générations futures, c'est-à-dire sur la mienne, si l'un veut vendre, quand vous êtes en indivision, comme nul n'est tenu de demeurer en indivision, eh bien, les autres doivent lui racheter sa part, et s'ils n'ont pas les moyens, celui qui est vendeur, il peut mettre en vente la propriété, même aux enchères. Donc, c'est quand même toujours risqué, ce risque d'indivision. Donc, nous avons fait une SCI avec des statuts qui sont extrêmement sévères, de sorte que l'associé qui veut sortir de la SCI, il faut qu'il trouve un associé capable de lui racheter, et il faut qu'il ait l'agrément des autres associés. Et on a un peu bloqué les possibilités de sortie, justement. Qu'on peut voir finalement dans cette forme juridique la pertinence des thèses durkheimiennes. Qui est propriétaire aujourd'hui de ce château ? C'est une SCI. En d'autres termes, on n'est pas là face à un propriétaire individuel, mais bien à un propriétaire collectif. C'est la famille qui possède ce château, et même le château détermine en grande partie les actions des membres de cette famille. Et autre idée extrêmement intéressante qu'on trouve chez Durkheim, c'est que cette inaliénabilité du patrimoine, le fait que le patrimoine ne puisse pas sortir de la famille, selon Durkheim, détermine ce que les individus ont à être dans de telles familles. Et Durkheim emploie une expression que je trouve extrêmement intéressante. Il parle d'un véritable esclavage chosal, c'est-à-dire que les membres de la famille sont esclaves des choses de la famille. Il dit même à un moment dans ses leçons de sociologie, la personne est héritée plus qu'elle n'hérite. Et l'histoire que raconte Durkheim est celle d'une contraction progressive de ce communisme familial, de cet esclavage chosal, dont la famille conjugale moderne, donc c'est-à-dire la famille restreinte aux couples et aux enfants, et encore les enfants jusqu'à l'âge de leur majorité, donc cette famille conjugale est le dernier terme pour Durkheim de cette histoire, et pour Durkheim, et c'est là où ça devient absolument passionnant, dans un tel cadre, il n'y a plus lieu de transmettre le patrimoine au sein de la famille. Ce que nous dit Durkheim, c'est que l'héritage, la transmission patrimoniale, c'est un régime de transmission des biens adapté aux formes anciennes de famille, régie par le communisme familial, mais qui constitue un archaïsme complet dans les familles modernes. C'est un droit des choses de la famille qui perdure au détriment des individus. En d'autres termes, ce que Durkheim est en train de nous dire, et c'est extrêmement puissant comme pensée, il est en train de dire à ses adversaires libéraux, mais rendez-vous compte, en fait, la transmission patrimoniale, c'est un archaïsme qui va à l'encontre des formes modernes, libérales de la famille et de la propriété privée. Alors ensuite, que se passera-t-il vraiment? Est-ce que déjà la génération N plus 1 qui va arriver, et qu'on interroge sur le sujet, il y a des passionnés, c'est certain. Donc pour moi, il n'y aura pas de problème de passage de relais à cette génération, bien que certains sortiront nécessairement en disant « moi c'est trop lourd, ça m'intéresse pas ». Il y en a quelques-uns qui ont déjà manifesté, un peu comme moi, notre génération. « Écoutez, on n'entend parler que de vos emmerdements de canon, c'est pas très attirant bon. ». Donc nous, on préfère ne pas avoir ça en permanence comme souci. Et après, à N plus 2, il y a toujours un point d'interrogation. Il n'y en aurait pas s'il y avait de la fortune, ce qui n'est pas notre cas. Mais on remplace la fortune par une énergie familiale qui, depuis 40 ans, génère une émulation, même à la génération jeune. Elle participe aux décisions. Maintenant, on les fait participer. Nous, quand on fait des réunions de famille, depuis quelques années, on demande à tous ceux qui ont plus de 15 ans, venez à nos réunions, participez, donnez même vos avis. Est-ce qu'il vous est passé par la tête de léguer vos biens à la SCI de Canon? Alors moi, c'est un peu particulier parce que j'ai pas d'enfants. Donc, si j'avais des descendants directs, la question se poserait pas. Mais je pense que c'est mieux de donner, comme avait fait ma tante, qui n'avait pas d'enfants. Elle n'avait pas une grosse fortune parce que on avait pompé tout ce qu'elle avait avant son décès pour des travaux de restauration. C'est elle qui a financé pour partie la salle de réception des mariages. Donc, mais ce qui lui restait, ben, elle avait fait, c'est intelligent, une assurance vie pour chacun de ses neveux et nièces associés de la SCI de Canon, à charge pour chacun, par une stipulation testamentaire, de mettre obligatoirement cette fraction de l'assurance vie qu'il percevra dans des travaux de restauration et d'entretien du château de Canon. Vous voyez, des formules comme ça quand même. Moi, je ne rêve que d'une chose, c'est qu'il y ait dans les futures générations certains qui fassent fortune et qui puissent insuffler ici des millions pour refaire tout ce qu'il y a à refaire. Je prends mon cas, je suis marié mais sans enfant. Guillaume de Mézrac. Ce qui veut dire que les droits de succession entre oncle et neveu ou nièce, c'est 55% de droits. Ce qui veut dire que ça doit absolument se préparer et ça doit s'optimiser. Il y a plusieurs façons de faire, soit léguer à la SCI, mais donc fiscalement, il faut voir si ça peut être fait sans droit de succession, c'est pas sûr, l'assurance vie, soit effectivement des dispositions qui permettent, si les bénéficiaires s'engagent à ouvrir au public leur vie durant, à ce moment-là, il y a exonération des droits de succession. Mais je ne peux pas imposer aux successibles le fait qu'ils sont obligés, leur vie durant, de laisser ouvert. Donc on réfléchit à ces différents éléments. Et là, je vais vous montrer le totem du parc. Je ne sais pas si vous voyez se profiler cette souche et ce tronc monstrueux. Un platane aussi. Ouais. Oui. Il y a l'ensemble des arbres qui sont ici, l'ensemble des géants est classé, pas que celui-ci. Quel âge il a cet arbre ? 1779. Il était là, il a vu Élie Beaumont celui-là. Absolument, absolument, tout à fait. Mais évidemment, une terre humifère formidable, très noire, alluvionnaire, pied dans l'eau, tête au soleil. Bon. Alors en voici un autre, vous voyez, Platane d'Orient, mais qui était peut-être moins bien exposée ou dont les ancêtres, en termes de germination, n'étaient peut-être pas aussi forts. Voilà. Moi, j'ai une attache qui est une attache, je dirais, terrienne, hein, les pieds dedans. Lorsqu'on bosse ici, eh bien, c'est le mot transpiration est extrêmement important, je pense, dans notre activité, dans notre attachement. Je devais avoir 15 ou 16 ans, je ne me souviens plus. Parfois, je jouais au loto. Et un jour, extraordinaire, fantastique, bingo, 3000 francs qui sont tombés. Et donc, j'ai tout investi en petits arbres d'horticulture, etc., qui étaient recensés comme étant déjà présents dans le parc. Voilà. Et donc, j'ai acheté effectivement ça. Je les ai mis en jauge, tout près de l'orangerie, dans le potager. Et j'ai attendu qu'ils grandissent un peu. Et je les ai tous replantés petit à petit dans le parc, etc. Voilà. Voilà. Ça, c'est un monstre. Il doit faire, peut-être 40 mètres tout droit. Et c'est un noyer noir d'Amérique. Donc celui-là, c'est vous qui l'avez acheté et c'est vous qui l'avez planté ? Absolument. À l'âge où on s'achète une mobilette quand on gagne... Oui, c'est ça, mais c'était ma mobilette. Et donc, il ne suffit pas de me planter, il faut aussi aller l'arroser pendant 3 ou 4 ans, bien surveiller, l'élaguer, tout le machin. Donc c'est pas one shot, hein, c'est un suivi. Il y en a peut-être un ou deux autres qui suivent. Donc on va prendre le pont. Donc les chartreuses, on les voit se profiler là derrière en sous-bois. C'est derrière ces murs là-bas, mais on va le rejoindre via le kiosque. Mes ancêtres ont planté des arbres ici. Ces arbres vivent et meurent. Il faut que ça perdure, il faut que ça continue, parce que ces arbres, comme moi, je serai un jour sous une pierre tombale, évidemment. Ces arbres aussi seront bousculés par des tempêtes et il faut que cette dynamique continue et se reproduise. Vous êtes allé dans les chartreuses ? Et non, justement, on vous attendait pour aller dans les chartreuses. C'était Le Mérite en héritage, un château à tout prix, avec Martha Peguerapoc, Mélanie Plouvier, Guillaume, Jean, Michel et Marguerite de Mézrac. Attention à vous, là. Prise de son Alexandre Abergel et Céline Guéribi. Mixage Manon Houssin. Attaché de production Marivonne Bolivier et Anaï Morales. Coordination Perrine Kervran. Un documentaire de Rémi Dibowski-Douat, réalisé par Anne de Pelchin. C'est l'histoire de Vlad Dracula, dit Tepes, prince roumain du XVe siècle. Il est le tyran ultime, un barbare dans le siècle de la Renaissance. Dracula veut dire le diable et le dragon à la fois. Vlad l'Empaleur reste une énigme. 400 ans après sa mort, Dracula prend les traits du prince des vampires sous la plume de l'auteur irlandais Bram Stoker. N'ayez pas peur d'écouter. Le prince Dracula, une histoire vraie. Une grande traversée de Matteo Caranta et Anne-Thérèse Franchini sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.